50 languages. 81. 81. 81. صيغة الماضي الأولى. Passé 1. Passé 1. يكتب. Écrire. Écrire. وكتب رسالة. Il écrivait une lettre. Il écrivait une lettre. وهي كتبت بطاقة. Et elle écrivait une carte. Et elle écrivait une carte. يقرأ. Lire. Lire. هو قرأ مجلة. Il lisait un magazine. Il lisait un magazine. وهي قرأت كتابا. Et elle lisait un livre. Et elle lisait un livre. يأخذ. Prendre. Prendre. وأخذ سيجارة. Il prenait une cigarette. Il prenait une cigarette. وهي أخذت قطعة شوكولات. Elle prenait un morceau de chocolat. Elle prenait un morceau de chocolat. هو كان غير مخلص. أما هي فكانت مخلصة. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. Alors qu'il était infidèle, elle était fidèle. هو كان كسولا. أما هي فكانت مجتهدة. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. Alors qu'il était paresseux, elle était diligente. هو كان فقيرا. أما هي فكانت غنية. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. Alors qu'il était pauvre, elle était riche. لم يكن لديه مال. وإنما ديون. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. Il n'avait pas d'argent, mais au contraire des dettes. لم يكن محظوظا وإنما منحوسا. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. Il n'avait pas de chance, mais au contraire de la malchance. لم يكن ناجحا وإنما فاشلا. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. Il n'avait pas de succès, mais au contraire des échecs. لم يكن مسرورا وإنما مستاء. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. Il n'était pas heureux, mais au contraire malheureux. لم يكن سعيدا وإنما يائسا. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. Il n'était pas chanceux, mais au contraire malchanceux. لم يكن ظريفا وإنما ثقيل الظل. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique. Il n'était pas sympathique, mais au contraire antipathique.